Les propagandistes du parti en pèlerinage aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du secteur du Mont Pectou sont montés le 6 juin au Mont Pectou. Ils ont visité le 7 la maison natale du général Kim Jong-il à l'ancien camp secret du Mont Pectou. Ils ont déposé les bouquets de fleurs devant les fresques en mosaïque des trois grandes figures du Mont Pectou érigées à l'ancien camp secret du Mont Pectou avant de leur rendre hommage. Après avoir écouté l'explication devant la stèle à l'aide du président Kim Il-sung, ils ont parcouru l'ancien camp secret du Mont Pectou. Ils ont visité également l'ancien camp secret du Pic Sajan, utilisé par les partisans de l'armée révolutionnaire populaire coréenne au cours de leur progression dans la patrie avec le président. Ce jour-là, ils ont organisé le récital poétique et le concours de chœur des chants révolutionnaires après avoir visité les anciens camps secrets du Mont Sonon et du Mont Kom.